Qui es-tu ? Je suis personne. Juste Ray. Es-tu sûr ? Tant de faiblesse et de force. Je m'appelle Finn. Finn Stormtrooper. Je suis trop balèze, moi. Je m'appelle Poe Dameron. Je me présente, Armitage Hux. Bienvenue à tous pour cette année d'enseignement Jedi sur Actu. L'obscurité s'intensifie, jeune Rey. C'est pour ça que tu as été choisi. Tu sais ce qu'il y a sur Actu. Tu dois l'arrêter. Chewie et R2 sont venus te chercher, tu dois te poser des tas de questions. Pourquoi toi ? Qu'est-ce que l'élu ? Pourquoi il fait tout le temps moche sur cette île de merde ? Eh bien, j'ai des réponses à te fournir. Vous apprendrez à manier le sabre laser comme s'il était un prolongement de votre corps. Et vous deviendrez alors invincible. La force n'est pas un pouvoir. Mais nous, il y maintient l'équilibre dans la galaxie. Wingardium Leviosa ! L'apparition d'un élu est toujours un mauvais signe, car un élu est là pour contrebalancer un déséquilibre dans la force. De toute façon, tant qu'il y a Luke Skywalker ici, personne n'osera faire quoi que ce soit par peur de se faire ôter dessus. Allez, viens ici! Le temps est compté. Ray Person. Épisode 1. L'école des Jedi.